Chéri FM en Guadeloupe. Chéri FM. Chéri FM. La playlist de Mille qui fait du bien. Chéri FM. Chéri FM. Feel good music. I should have brought you flowers and held your hand. L'heure vous est offerte par Terranimo, votre animalerie préférée. Deux adresses, rue de l'Industrie à Jarry et Zac de Dotema à Rosabîme. Tous les jours, toute la journée, non-stop musique. Vous écoutez Chéri FM Guadeloupe, il est 16h. L'essentiel de l'actualité, Chéri FM Guadeloupe. Bonsoir à tous. On est là pour garantir le fait qu'ils ne continuent pas leur trafic de l'extérieur. Invité du 20h de TF1 ce soir, Gérald Darmanin est revenu sur le rôle de la prison de haute sécurité à Vendin-le-Vieil. Alors que l'établissement a accueilli ses 17 premiers détenus aujourd'hui, le garde des Sceaux a notamment détaillé leurs conditions de détention plus strictes. Accès au téléphone restreint, pas de contact physique avec l'extérieur, même au parloir, et promenade surveillée avec deux fois plus d'agents mobilisés que dans une prison classique. Gérald Darmanin qui a également rappelé que sa collègue au gouvernement, Rachida Dati, reste présumée innocente, alors que, on l'a appris cet après-midi, la ministre de la Culture sera renvoyée en procès dans l'affaire Carlos Ghosn, où elle est soupçonnée de corruption et de trafic d'influence. La candidate à la mairie de Paris annonce faire appel. 4 ans de prison pour la conductrice de 83 ans, accusée d'avoir fauché des enfants à vélo à La Rochelle en juin 2024. Lors de cet incident, Margot, une fillette de 10 ans, avait perdu la vie des suites d'un traumatisme crânien. Elle roulait à bicyclette dans le cadre d'une sortie scolaire. Dans le reste de l'actualité, plus de notices rouges pour Paul Watson. Le militant écologiste américo-canadien n'est officiellement plus recherché par Interpol. Figure de la défense des baleines, Paul Watson était accusé par le Japon d'être co-responsable de dommages et blessures à bord d'un navire nippon en 2010 dans le cadre d'une campagne menée par l'association Sea Shepherd. Donald Trump a choisi son camp selon Jean-Noël Barrot en déplacement en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères a salué la position plus claire prise par le président américain, le locataire de la Maison-Blanche ayant formulé un ultimatum de 50 jours à Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu sous peine de très lourdes sanctions. Enfin, triste nouvelle, la légende du heavy metal Ozzy Osbourne est décédé à l'âge de 76 ans. C'est sa famille qui l'annonce ce soir via un communiqué. Le Britannique, aussi surnommé le Prince des Ténèbres, était le leader du groupe Black Sabbath, à qui l'on doit les tubes Paranoid, War Pigs ou encore Iron Man. Bonne soirée à tous. Chéri FM en Guadeloupe. Chéri FM. Chéri FM. La playlist de Mille qui fait du bien. Chéri FM. Chéri FM, c'est vos années 2000 avec Usher. Kylie Minogue. Chéri FM. La playlist de Mille qui fait du bien. Chéri FM. Feel good music. So easy. The next yeah. Hey, ha. Where y'all man off? I'm man off. Oh, y'all think bad, hear it? Oh, y'all think bad, hear it? Give me now y'all cool, hear it? Give me now y'all cool. Let me tell them how the thing goes. How the thing goes. How the thing goes. Okay. Chebe make a tamuwa. Say my cookie now go drink God. You want to bamba? You want to team with the big boys? Like with the rocket, the kitty, you the rocket, the cat, the coffee drink, water, drop, cup. Ha! Hey! Can you see how it thing goes? How it thing goes? Oh, you're telling me who's Andrew? And who, and who? We can't use. go school, you go defend truth. And all the parameters said you want the fun too. See, even your papa doesn't save you. For all the cannabis they want to pick the gun too. Man, but the nigga doesn't find you. Because that nigga will you play on my dumb move. Oh, my dumb move. Ha, hey, mama, let's go. Chebe make a samoa. Tell my cookie, no go thank God. Ha, you want to bamba. You want to cheat with the big boy. Now you the wrong, get the kitty, you the wrong. Get the cat out of drink, but I drop cup. Ha, hey. Yeah, but you see how the thing goes. Yeah, how the thing goes. How's it telling me who blamed you? And who, and who?

FM en Guadeloupe. Chérie FM. Chérie FM. La playlist de Mille qui fait du bien.